les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une sorte de faucon au regard dur et au caractère radical, l'apôtre du silence, de la pénombre et du dépouillement, c'est ainsi que Gérard Depardieu, qui avait débuté avec lui ou presque au théâtre, décrivait Claude Régis, disparu en décembre 2019 à l'âge de 96 ans. En 1974, après Sauvé de Edward Bond, 2 ans plus tôt, Gérard Depardieu était à nouveau de la distribution d'une mise en scène de Claude Régis, La chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke. Une mise en scène de l'un des plus importants metteurs en scène de son temps, qui se défendait pourtant de l'être. « Je ne me sens absolument pas metteur en scène », confiait Claude Régis à Jean-Pierre Thibaudat pour Libération en 1981. « Ce n'est pas une boutade ni une coquetterie. Je suis à l'écoute du texte. Mon travail consiste à mettre les comédiens non pas en état d'acteur, mot qui fait penser à activité, mais au contraire en état de passivité. Qu'ils soient eux aussi à l'écoute du texte et à travers lui, à l'écoute de l'inconscient de l'auteur. Je voudrais faire passer cette fluidité de l'inconscient de l'auteur en train d'écrire dans l'inconscient du spectateur. » En 1974, sur France Culture, Guy Dumur présentait le travail de Claude Régis sur La chevauchée sur le lac de Constance, qui était joué à l'Espace Cardin. Une émission à laquelle participaient, outre Claude Régis, 2 des principaux interprètes, Gérard Depardieu et Michael Lonsdal, Marie-Louise Audiberti, traductrice de la pièce, et Georges Arthur Goldschmidt, autre spécialiste de Peter Handke. L'occasion pour Claude Régis d'exposer alors sa conception du théâtre et de dire comment d'un texte naissait son désir de théâtre. Mise en scène, La chevauchée sur le lac de Constance par Claude Régis, une émission diffusée la première fois le 25 janvier 1974 sur France Culture. C'est la première fois depuis que je fais cette émission, mise en scène, que nous avons à parler d'une pièce immédiatement contemporaine. Jusqu'ici, nous avions préféré parler de mise en scène, de pièces du passé, en tout cas de pièces classiques, et d'étudier l'interprétation que de nouveaux acteurs, de nouveaux metteurs en scène pouvaient en faire. Et là, il s'agit d'une pièce nouvelle et d'une pièce très exceptionnelle, et je pense qu'elle justifie le titre de cette émission, car il s'agit véritablement d'une pièce à mise en scène, dans laquelle la mise en scène est absolument primordiale. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que La chevauchée sur le lac de Constance, qu'on donne à l'Espace Cardin, de Peter Handke dans une mise en scène de Claude Régis, est une pièce qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de mots, si je puis dire. C'est une pièce, en effet, très discutée, qui a provoqué même des manifestations de la part du public. C'est une pièce, il ne faut pas se le cacher, difficile. Enfin, nous allons interroger les gens qui sont venus en parler aujourd'hui et savoir si, justement, cette pièce justifie à la fois les critiques, les réticences qu'elle a provoquées et, bien entendu, aussi les enthousiasmes. C'est pour cela que j'ai fait appel aujourd'hui, bien entendu, en premier lieu, au metteur en scène Claude Régis, qui est l'artisan, le véritable artisan de ce spectacle, à la traductrice Marie-Louise Audiberti, qui a eu la tâche difficile de trouver les équivalences françaises de ce texte allemand, d'un texte tout de même très spécifique. J'ai également fait appel à un autre spécialiste de Peter Handke, Georges Arthur Goldschmidt, qui avait traduit le premier texte, je ne sais pas comment il l'appellera, « Mort complice » paru chez Christian Bourgois, et puis également à 2 des principaux interprètes de La chevauchée sur le lac de Constance, Michel Lonsdal et Gérard Depardieu. Je m'empresse de dire d'ailleurs que, si on a beaucoup parlé de cette pièce, du moins au début, c'était justement à cause de sa distribution et parce qu'elle contient bien d'autres acteurs prestigieux, dont Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Samy Frey. Mais il m'a semblé que Gérard Depardieu et Michel Lonsdal représentaient peut-être mieux les personnages de la pièce que les autres comédiens qui jouent dans ce spectacle extrêmement beau, enfin du moins dans mon opinion. Claude Régis, c'est à vous que je voudrais m'adresser en premier, parce que vous êtes vraiment l'artisan de ce spectacle, et en même temps, je crois que votre tâche a été facilitée du fait que Peter Handke indique dans son texte absolument tout ce que le metteur en scène et tout ce que les comédiens doivent faire. Je ne dirais pas facilité. C'est-à-dire que j'ai tout de suite aimé la pièce beaucoup et j'ai senti qu'elle contenait des choses très importantes. Mais précisément, le fait d'être enfermé dans une mise en scène écrite avec une minutie maniaque dans le détail est quelque chose de très difficile parce que nous avons tenu, la gageure d'ailleurs, de respecter complètement tout ce qui était indiqué par l'auteur. Nous avons voulu faire l'expérience de voir où cela nous menait, de ne pas du tout prendre de liberté. Mais en même temps, on est bien forcé de faire travailler son imagination, on est nécessairement amené à projeter sa vision de la pièce, donc son propre univers. Et il faut arriver à ce que la vie qu'on fait passer à travers les acteurs dans la pièce passe en même temps par une exécution tout à fait contrainte et tout à fait précise. Je crois qu'il s'agit là, je ne peux pas trouver de mot meilleur, il s'agit d'une partition de gestes. Si vous voulez, le texte écrit en réplique, qui est une des formes du langage, occupe à peu près un tiers de la pièce, et le texte écrit en description de gestes occupe les deux tiers de la pièce. Par conséquent, je crois vraiment qu'il s'agissait, un peu comme un chef d'orchestre, de retrouver la musique de ce langage de gestes et d'exécuter, de trouver le moyen d'exécuter cette partition de gestes. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est pas facile. Vous dites chef d'orchestre, et effectivement, la comparaison avec une partition musicale s'impose. Car j'aurais pu vous poser une question plus perfide que celle que je vous ai posée, qui serait par exemple celle-ci, quel est le sujet de la pièce ? Je crois que le sujet de la pièce, c'est de ne pas en avoir. Je crois que le propos de la pièce est de ne pas être une pièce. Je crois que le propos de la pièce est de faire bouger la notion que nous avons du théâtre et de faire bouger toutes les conventions apportées à cet art. Même dans les expériences qui essayent de le déconventionnaliser, c'est-à-dire que dans les dernières années, on a vu très vite s'établir tout un réseau de nouvelles conventions qui étaient soi-disant révolutionnaires, mais qui se sont très vite sclérosées. Je crois que il y a néanmoins quelque chose qui me paraît se retrouver dans toute l'œuvre de Hank, c'est une espèce de fragilité, c'est-à-dire c'est une espèce de promenade sur le vide, et dans cette promenade sur le vide d'une société qui semble en délabrement et en décomposition, de regarder encore toutes les énergies très vivantes qui circulent et qui s'échangent entre les personnes, mais pas du tout comme on a l'habitude de le faire dans une pièce avec des caractères et avec des personnages, mais beaucoup plus comme, je ne sais pas, une combinaison chimique qui serait reliée à l'intérieur d'un système assez compliqué de vases communicants multiples et dans lequel on introduit de temps en temps des gouttes d'un nouveau produit qui change la réaction. Et cette réaction se déforme et se promène comme des nuages et change de couleur et change de forme et en même temps circule à travers la peau entre les personnages. Et je crois que toutes ces énergies, qu'elles soient d'ordre érotique ou autre, sont toutes dominées par l'idée de puissance. Je crois que la chose que Hank veut dénoncer avant tout, c'est la haine de la puissance. Et cette puissance se manifeste pas seulement par le pouvoir politique, mais aussi justement par la domination virile, par d'ailleurs une fausse notion de la virilité comme une façon de mépriser la femme en la réduisant à l'état d'un objet qui doit être belle et se taire, ce qui fait que les rôles féminins sont en effet très brefs dans cette pièce. Et aussi le pouvoir de l'argent, qui est aussi une chose très importante, et toutes les manières, et aussi le pouvoir du langage, qui est une manière, soit par le geste, soit par la parole, de en fait envahir les gens, agresser les gens, prendre possession des gens, mais en même temps d'être possédé et d'être pris, parce que en parlant, on se trahit, on se dévoile, on se démasque et on est possédé. Et d'ailleurs, la démonstration de Hank est que, en prenant le pouvoir, on se dépossède. Il y a une image très simple, si vous voulez, c'est qu'il échange des bagues au début. Il y a un personnage qui est joué par Michael Lonsdale qui veut dominer Gérard Depardieu et qui, pour ça, lui donne ses bagues. Il a l'air d'être dépossédé de ses bagues. L'autre a l'air d'être rentré en possession de ses quinzaine de millions que représentent ces bagues. Et pourtant, en prenant cette richesse, ce personnage est complètement dépossédé, dévirilisé et complètement vidé de son contenu et de son existence. Nous ne devons pas oublier que nous nous adressons à des auditeurs dont certains ont vu cette pièce et qui seront très heureux d'entendre vos explications, nos explications, mais aussi à des gens qui ne l'ont pas vue et nous voudrions leur donner envie d'aller voir ce très beau spectacle. Et alors, l'explication que vous venez de nous donner, qui me paraît très remarquablement intelligente et lumineuse pour quelqu'un qui a vu le spectacle, mais qui l'est peut-être moins pour quelqu'un qui ne l'a pas vu. Et alors, peut-être que Michael Lonsdale pourrait nous dire peut-être d'une façon beaucoup plus concrète, justement puisqu'on vient d'évoquer son personnage, ce qu'il représente, mais pas ce qu'il représente en termes abstraits, comment il apparaît sur la scène. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre loge, vous vous préparez, comment vous vous maquillez, puisque le maquillage est très important, comment vous vous habillez et comment vous apparaissez sur la scène. Qui êtes-vous ? Ah, je ne sais pas trop qui je suis. Je suis un être humain, puisque je crois que ce qui est intéressant au spectacle, c'est de voir des êtres humains, surtout. Et c'est quelqu'un, disons, qui peut s'être préparé pour un spectacle, qui s'est habillé avec une culotte de cheval, une grande blouse blanche, enfin en soie, comme ça. Et puis, qui s'est maquillé fortement. Mais pourquoi, je n'en sais rien. C'est ça le mystère et l'intérêt pour moi du rôle, c'est que je ne sais vraiment pas ce que je fais là. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Vous avez déjà tout de même une petite idée quand vous dites que c'est quelqu'un qui s'est probablement préparé pour un spectacle. C'est ça, oui, il y a la décision, il y a le choix d'un déguisement. C'est certain que ce masque est un déguisement, c'est donc une cérémonie, c'est un jeu qui se prépare. Quoi dire de plus ? J'ai beaucoup de mal chaque fois que je dois en parler ou même raconter la pièce, je ne peux pas la raconter. Et mon personnage, c'est une méthode de travail à moi, enfin que j'ai déjà un peu eu l'occasion d'employer, vous voyez, dans des textes comme Edith Beckett ou dans L'Amante anglaise de Marguerite Duras, où je n'étais personne. Et là, quand la pièce commence, j'ai l'impression d'être personne. Et que tout d'un coup, une voix en moi dit les premières phrases. Mais je ne sais pas qui je suis, et je ne veux pas le savoir. Mais néanmoins, votre apparence, quand même, indique un certain nombre de choses. On a beaucoup dit, et je crois que là, personne ne me contredira, que Peter Handke s'était beaucoup inspiré de certaines images du cinéma des années 20 ou 30. Et il y a quand même un côté, personnage de luxe, comme ça, esthète, de luxe, d'ailleurs le décor l'indique, le décor est un décor luxueux, l'atmosphère est luxueuse, donc vous êtes quand même un personnage déjà socialement situé. Ah oui, oui, si on veut, mais on peut également penser que ce sont des gens qui tournent un film ou des gens qui répètent une pièce. Vous voyez, c'est très compliqué à expliquer. Claude Régis. Oui, je veux dire que le luxe n'est pas du tout le luxe du personnage. Le luxe est peut-être tout l'argent gaspillé par certaines puissances, puisqu'il s'agit de puissances. Oui, mais tout ça, l'argent sommes gaspillé pour faire des films comme Hitler en a fait, par exemple, qui étaient d'ailleurs des films de propagande. Je veux dire qu'il n'y a pas de relation, ils ne sont pas chez eux. Oui, mais je ne sais pas, alors là, tout de même, je ne crois pas que Hitler aurait fait des films employant le genre de personnage qu'on voit sur la scène. Absolument si. Ah bon ? Au contraire, parce que ces acteurs-là que représentent Gérard Depardieu et Émile Yannick sont tournés dans tous les films nazis et même le personnage de Depardieu, je m'en excuse, Henrik Georges, a été fusillé après la guerre, après la défaite de Hitler. Attention. Il faut préciser que l'auteur, dans la version originale, dans la version allemande, donne à ses personnages des noms d'acteurs célèbres du cinéma muet, enfin du cinéma muet parlant, mais enfin du vieux cinéma. À la frontière du parlant. Du vieux cinéma allemand, c'est-à-dire Emil Janning, Erich von Stroheim, qui a cette Heinrich Georg, dont vous parlez à l'instant, etc. Mais alors, en France, évidemment, toute cette symbolique disparaît. Non, d'ailleurs, l'auteur a voulu délivrer les acteurs qui joueraient la pièce de ce lourd poids et de ne pas surtout avoir l'intention d'imiter ces acteurs. Et il dit qu'il a donné ses noms pour la lecture et nous, ça nous a donné une indication justement pour le choix du décor, pour le fait que ce décor est perdu dans un espace plus grand comme un studio, par exemple. C'est un coin de décor où va se tourner une scène. Ça nous a servi pour les maquillages par lesquels on a voulu renvoyer des relents de cette époque. Mais Hank dit, et c'est ça qui fait le trouble de Michael, c'est qu'il dit que les personnages ne doivent pas porter d'autres noms que le leur propre, et qu'en fait ils sont jetés sur la scène avec rien d'autre que leur propre personne. Et en effet, il leur arrive de par derrière eux des répliques, des scènes, des thèmes d'improvisation, des personnages qui commencent à développer une vie entre eux, mais qui au départ n'ont aucune existence. C'est aussi, si vous voulez, une naissance. Au départ, il n'y a rien que des gens qui font des borborygmes. Nous avons eu, dans la première partie de cette émission, quelques difficultés, il me semble, à définir ou à décrire du moins ce qu'est la chevauchée sur le lac de Constance de Peter Hanke. Je voudrais un peu m'adresser maintenant au traducteur de Peter Hanke et à Marie-Louise Audiberti qui a traduit cette pièce. Est-ce que vous avez eu besoin de trouver des équivalences françaises ? C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que votre traduction est littérale ou bien est-ce que vous avez été obligé de transposer ? Je me suis efforcée de la faire aussi littérale que possible parce que le texte de Peter Hanke est vraiment extrêmement rigoureux. Rien n'est laissé au hasard. Chaque phrase correspond à une réplique qui a été dite avant ou qui sera dite plus tard. Et chaque mot a son importance. Il y a une phrase que Delphine Seyrig prononce dans la pièce. Elle dit « comme c'est merveilleux lorsque tout s'équilibre ». Et je crois que c'est un mot qu'on pourrait appliquer à l'ensemble. Vraiment, c'est un montage parfaitement architecturé et qui, sous une apparente gratuité, est très élaboré. Alors, j'ai essayé donc d'être littéral, évidemment de transposer, parce que c'est obligatoire, on ne peut pas, le passage d'une langue à une autre implique obligatoirement la transposition, mais je crois que pour cette traduction, il fallait absolument rester le plus possible près du texte de Peter Hanke, parce que chaque mot est vraiment à sa place. Et je crois que le thème de la puissance dont Claude Régis a parlé tout à l'heure est certainement au centre de la pièce, mais je crois que le langage est aussi au centre de la pièce, que c'est aussi une pièce qui tourne sur la langue. Et peut-être cette pellicule de glace qui sépare les acteurs de la vie, c'est peut-être la langue, parce que on s'aperçoit que lorsqu'ils prononcent une phrase, cette phrase s'accompagne de gestes, s'accompagne de mimiques qui, à leur tour, créent une situation. Les situations créées par Hanke sont toujours linguistiques au départ. Alors, justement, je voudrais demander à Georges-Arthur Goldschmidt de vous compléter ou de s'opposer à vous, parce qu'il a écrit un texte lorsqu'il a traduit « Mort complice », qui était un recueil de textes, d'ailleurs très curieux, de Peter Hanke. Il avait écrit un texte sur la traduction et sur la difficulté de traduire Peter Hanke, en pensant, si je vous ai bien compris, Georges-Arthur Goldschmidt, qu'il était très difficile de trouver des équivalences pour un langage qui, somme toute, nous apparaît très simple. C'est-à-dire que je crois, est-ce que Peter Hanke n'est pas un auteur très allemand ? Il est profondément allemand et personne ne connaît aussi bien que lui la littérature allemande. Et il n'y a pas une phrase qui ne soit au fond un pastiche, mais un pastiche triste. Goethe, Moritz, tout le monde y passe, avec une connaissance absolument totale de toutes les ressources intimes, et comme Marie-Louise Huberti le disait très bien, de toutes les ressources intimes de la langue. Tous les gestes sont dans la langue. Et on revient au problème de la mise en scène, les gestes, et ça le français ne peut pas le rendre. Il y a des tas de, attendez, je voudrais que vous expliquiez. Des verbes oui. qu'il emploie tout le temps, par exemple dans Mort complice, être recroquevillé, n'est-ce pas, hocken, c'est un verbe qu'on ne peut absolument pas traduire, qui indique l'idée d'être replié sur soi sans être menacé, simplement comme ça. Mmh. Vous avez des tas de verbes de position, des verbes de mouvement, que le français est incapable de rendre. Ça. La précision extraordinaire de l'allemand, décrivant d'abord le geste avant l'intention. Mmh. Et ça, Handke joue avec ça, avec une maîtrise totale de l'allemand. Personne, à ma connaissance, n'a été aussi loin dans l'exploration, mais d'un allemand, parler d'un allemand d'une simplicité rigoureuse. Mais vous parliez à l'instant de pastiche. Est-ce qu'ils sont perceptibles dans cette pièce également? Je crois qu'il y a une scène qui est un pastiche. Je n'ai pas retrouvé de quoi, mais partout il y a des collages. Mmh. Il fait intervenir des phrases qui ne sont pas de lui, volontairement, en les habillant et en montrant qu'elles peuvent fonctionner contrairement à leur intention primitive. Et est-ce que vous pensez que c'est perceptible aux Français, aux spectateurs, le fait que l'on perde ses racines, justement, ou ses, comment dirais-je, ses recherches à partir de la langue allemande, est-ce que cela peut ajouter quelque chose à la représentation en français? Oui, par le jeu des acteurs. Par exemple, ce décalage. Ce que Handke veut exprimer, c'est le décalage entre ce que la langue veut exprimer et ce qu'elle dit. Or, par exemple, dans le jeu de Michael Nonsdal, quand il ouvre la bouche, et ce geste beaucoup trop long pour mettre le cigare dedans, est exactement ce que veut dire Handke. C'est la disproportion entre le geste et l'intention. Ça. Oui. Tout est en porte-à-faux. Les gestes sont trop longs, trop courts, les paroles trop longues, trop courtes, ça correspond ou ne correspond pas. Et c'est exactement le hasard. On ne peut rien faire passer par le langage. C'est ça l'idée centrale. Oui, alors là, ça, c'est une idée qui est commune au français, à l'allemand ou à n'importe quelle langue. C'est pourquoi ça passe parfaitement. Marie-Louise Audiberti, pardon. Mais on ne peut rien faire passer par le langage, mais ce langage, à mon avis, détermine absolument les situations. Lorsque, à un moment, les acteurs s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas ouvrir le tiroir, ils sont effrayés, le tiroir se coince. Et quelqu'un dit, laissez-le donc se coincer. Et ça devient la joie, la fête, parce qu'on s'est séparé de la phrase. On a laissé la phrase vivre sa vie, et les acteurs vont vivre en dehors de cette phrase. Bon, autre exemple inverse, à un moment, quelqu'un dit, quand quelqu'un rentre les épaules, est-ce que ça veut dire qu'il a peur ? Alors, Jeanne Moreau, je crois, répond « Non, il rentre simplement les épaules ». Et tout le monde est rassuré parce que cette force, cette puissance extraordinaire que le langage a, parce que le langage, c'est la vie, c'est la situation théâtrale, n'est pas faite d'un langage et d'autre chose, mais le langage est toujours en situation. Claude Régis. Oui, justement, je voulais dire quelque chose. C'est que s'il a une très grande connaissance de la littérature allemande, qui n'a pas forcément de référence dans la connaissance des Français, mais il emploie également des citations de Shakespeare, par exemple, et au moins 3 ou 4 citations de Tchekhov. La phrase d'entrée, par exemple, de Delphine Seyrig, qui est employée tout à fait dans un autre contexte, mais est une phrase de Tchekhov. Gérard Depardieu, dans son monologue, dit aussi des phrases de Tchekhov, qui sont naturellement placées dans un autre contexte et dans un autre environnement. Et c'est ça l'intérêt de la chose. Mais il y a donc aussi des références que nous connaissons très bien. Michel Lonsdale. Oui, ça me vient comme ça en vous entendant parler. J'ai l'impression que les phrases, oui, sont des gestes. Oui, et les gestes sont des phrases. Et les gestes, oui, c'est ça. D'ailleurs, à propos des gestes, il y a une relation aussi très importante qui est établie entre les gens et les objets. Et des transferts faits des personnes sur les objets. C'est-à-dire que les gestes sont aussi le langage qui nous relie aux personnes, mais le langage qui nous relie aux objets. Oui, mais alors, est-ce que le plaisir que l'on prend en voyant jouer cette pièce, en l'écoutant, n'est pas une espèce de plaisir gratuit d'un pur spectacle qui se déroule devant nous et qui pourrait être remplacé par d'autres phrases, d'autres gestes? Moi, je pense que non. Par exemple, en voyant Gérard Depardieu, j'y pensais souvent au Dandin de Molière. Et d'ailleurs, vous-même, dites que les gens ont dit vive Molière. Ah oui, mais les gens, c'est effectivement dans un article, parce que je me suis référé à ce que j'ai entendu dans la salle le jour où j'ai assisté à la présentation, mais les gens disaient vive Molière dans un sens, c'est-à-dire vive le rationalisme, vive la pièce que l'on comprend. Parce que là, il faut bien le dire que si l'on prend du plaisir à cette pièce, c'est un plaisir de ne pas comprendre ou de comprendre dans des régions très profondes de notre inconscient, avec des interprétations multiples. D'ailleurs, depuis un moment ici, nous essayons de trouver une interprétation, de trouver des interprétations, mais nous ne pouvons pas en trouver une seule, n'est-ce pas ? Qu'une interprétation. Non, mais alors, quand vous comparez à Molière... Les gens n'ont pas vu qu'au fond, c'était la même chose. C'est-à-dire ? Ça ne se transmet pas. Moi, je suis enfermé dans une situation que le langage ne fait pas passer. Et Depardieu, par exemple, cette espèce de soumission est en réalité une révolte. Mais une révolte qui n'a ni geste ni langue. C'est pourquoi il y a toujours ce porte-à-faux à la fois des gestes et des paroles chez Handke. Et dans cette pièce particulièrement. Ça. C'est comme un cauchemar. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, ce que j'éprouve de la soumission que j'ai avec Michael, c'est comme si j'étais, par exemple, j'avais affaire à un chef, qu'on me donne des ordres, que je les prenne. Mais que ce soit normal, c'est tout à fait normal, mais simplement, quand je suis seul et si j'ai envie tout d'un coup de devenir fou, eh bien, ma folie, je servirai comme je sers Michael maintenant. Ce que je voudrais qu'on arrive à pouvoir dire, c'est la qualité du plaisir, parce qu'on éprouve un plaisir, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Pourquoi vous, au fond, vous avez éprouvé du plaisir à la traduire, à monter cette pièce, à la jouer? Pourquoi nous éprouvons du plaisir ou quelquefois de la répulsion pour certains spectateurs? Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et c'est tout de même très difficile à dire. Est-ce que, tout de même, par rapport à la littérature de ces dernières années, bien sûr la littérature allemande, mais aussi la littérature française, est-ce que Peter Handke n'arrive pas à la suite d'une histoire qui s'est déjà, qui a tout de même des précédents, est-ce qu'il aurait pu écrire la même pièce il y a 20 ans, par exemple? Non, certainement pas. Il y a un texte de Handke qui est très curieux, qui est dans un recueil de textes polémiques qui n'a pas été traduit en français, où il dit que, par exemple, à propos d'une photo d'Auschwitz, que les yeux de ce fameux déporté, cette photo qu'on voit tout le temps, laissait parfaitement indifférent, qui se dit bon, ben oui, mais que l'horreur de la mort lui est venue en voyant les pieds. N'est-ce pas ? Les pieds tournés en dedans. Ça. Oui. Et pour lui, la mort est absolument partout présente, et c'est l'hitlérisme qui est au fond de ça, bien qu'il n'en parle jamais et bien qu'il refuse tout engagement littéraire. Cela dit, hitlérisme qu'il n'a pas connu, parce que, rappelons-le, Peter Handke est né en 1942, oui, 42, je crois. 42. Et il ne l'a pas connu. Alors donc, il s'agirait chez lui d'une mauvaise conscience. Non, d'une obsession de la mort. Oui. Et ça, cette obsession de la mort, évidemment, vous êtes référé tout à l'heure au romantisme. D'ailleurs, on a oublié de le dire, « La chevauchée sur le lac de Constance » est un titre emprunté à une ballade allemande post-romantique. On ne peut pas dire qu'elle est romantique, mais enfin post-romantique, mais d'un thème extrêmement allemand qui fait penser à Dürer, qui fait penser aux légendes du Moyen-Âge, du cavalier qui a traversé un lac et qui meurt de saisissement, sachant qu'il ne s'est pas noyé ou qu'il s'est noyé, on ne sait pas. Et cette obsession de la mort me paraît extrêmement allemande. Mais est-ce que quand même Peter Handke ne s'explique pas avant tout, ou après tout, je n'en sais rien, par l'histoire du théâtre de ces dernières années? Vous, par exemple, Claude Régis, qui avait monté Pinter, par exemple, ou des auteurs de ce genre, ou David Storey l'année dernière, est-ce qu'il ne s'inscrit pas dans l'histoire du théâtre avant tout? Si, certainement. Certainement. Ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il a réussi à assimiler toute l'évolution du théâtre depuis les 10 dernières années. Mais en même temps, il est passé plus loin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a le premier, parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions ces dernières années, le premier, il est passé plus loin et il a trouvé un ton neuf dans une nouvelle manière de décrire, de percevoir les rapports et les échanges entre les êtres humains. Je crois d'ailleurs que c'est de là que vient la fascination de la pièce. Quand vous disiez qu'on ne sait pas très bien par quoi on est pris, je crois qu'il y a d'abord une chose très importante, c'est que ce qu'il veut sauver avant tout, c'est l'ambiguïté et la pluralité. C'est-à-dire qu'il est contre le théâtre à message. Dans cette mesure, il est contre Brecht et contre le théâtre didactique. Il pense qu'on ne peut pas donner une seule solution au rapport de l'homme et de la société. Et il veut au contraire restituer la contradiction, l'ambiguïté et la complexité. Et toutes les choses veulent tout le temps dire plusieurs choses à la fois. Et ça a été d'ailleurs un des aspects du travail, c'est-à-dire de ne pas nous-mêmes choisir une interprétation de façon à ce que toutes les interprétations puissent s'agglutiner selon les choix des spectateurs, selon les projections des spectateurs, puissent passer, puissent être lisibles. C'est un champ ouvert, la pièce, en même temps. Nous avons un peu intellectualisé le débat et peut-être faudrait-il rappeler pour faire pièce aux spectateurs sur réclamant de Molière et réclamant Molière que Hanke traite au fond les mêmes thèmes que Molière. Il met en scène l'amour, l'humiliation, la soumission, la puissance. Il passe dans cette pièce un courant de désir extrêmement fort. Et nous assistons à des scènes extrêmement simples, qui sont des scènes de la vie quotidienne, qui pourraient... Oui, seulement pour le spectateur moyen, ces scènes, effectivement, il y a tous ces thèmes, seulement là, vous pourriez trouver beaucoup de pièces dans lesquelles ces thèmes sont là. Seulement, ces thèmes sont toujours séparés de leur signification. Tout est avorté, tout est... une chose commence, et puis vous avez parlé de ce porte-à-faux entre le langage et les gestes. Les gens se posent des questions auxquelles ils ne répondent pas, ou au contraire répondent à des questions que l'on n'a pas posées. Il y a toujours tout de même une volonté d'opacité. Tout est, comme on dit, occulté, non, Claude Réginon? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, d'ailleurs il a écrit, je crois, dans un article qu'il avait une vision très claire de ce qu'il voulait dire dans La Chevauchée. Et qu'à mesure qu'il écrivait la pièce, des tas de choses se sont obscurcies. Mais que néanmoins, rien, à aucun moment, ni aucun geste, ni aucune réplique, n'était possible sans les idées claires du départ. Et que deuxièmement, c'est à travers cet obscurcissement que la pièce a pris sa vie et, en quelque sorte, sa signification. Est-ce que justement la pièce ne prend pas à travers cette opacité sa vie et la vie tout court? C'est-à-dire que la vie nous apparaît toujours comme ça, de façon fragmentaire, par bribes, et jamais de façon linéaire. Comme c'est donc là que Hanke se rapproche. Moi, je reviens quand même à mon petit problème d'évolution historique du théâtre. Et tout de même, il est tout de même frappant, quand je pense à des interprètes comme Michel Lonsdale et Gérard Depardieu, que ce sont des comédiens qui ont tout de même toujours joué, Michel Lonsdale en particulier, dans un certain théâtre, n'est-ce pas, dans certaines pièces de théâtre, et pas dans d'autres. Et que vous vous êtes particulièrement adapté à la pièce de Peter Handke, dans la mesure où vous avez joué Marguerite Duras, où vous avez joué Beckett, c'est-à-dire des auteurs qui nous préparaient, qui vous préparaient à ce genre de pièces. Oui, je citais comédie de Beckett, La Mante anglaise de Duras, et Home de Storey, que nous avons joué l'hiver dernier, parce que je crois qu'il y a un rapport. Dans comédie, nous avons affaire à un problème de gens enfermés dans des jarres, avec juste une tête qui dépasse, et qui débitent sur un ton extrêmement rapide une série de petites phrases à mesure qu'ils sont éclairés par une lumière. Dès que la lumière s'en va, c'est le silence. Le propos de Beckett est donc des gens qui ont peu de temps pour parler et qui sont stimulés par la lumière. Vous voyez déjà le genre d'atmosphère. Ils ne parlent que quand ils sont éclairés. Donc, une espèce de rapport physique avec la lumière, ce qui était une nouveauté extraordinaire. La lumière devenait un personnage. Mmh. Bon. Ensuite, avec Marguerite, c'était le problème d'une voix, d'une personne qui posait des questions, mais on ne savait rien sur cette personne. Donc une espèce de déshabitation du personnage, d'être personne. Enfin, c'était moi, ça m'a passionné parce que c'était être personne, ce qu'on n'avait jamais proposé au fond à un acteur. Dans Home l'année dernière, c'était des gens qui ne disaient que des phrases clichés, que des phrases bébêtes de tous les jours. Et c'était l'accumulation de ces phrases avec ce que nous savions derrière, c'est-à-dire que ces gens étaient dans un asile, une maison de repos. Pour maladie mentale, probablement. Et, bon, alors nous avions qu'un sous-texte à jouer. Il n'y avait aucune signification, ni politique, ni religieuse, ni rien. Ces gens ne disaient que des banalités. Tout de même, dans Comédie de Beckett, les monologues dits successivement sous l'influence donc de la lumière de ces trois personnages dans des jarres dont on ne voyait que la tête, il s'agissait quand même d'une histoire d'amour extrêmement banale. Dans L'amante anglaise, il s'agit d'une criminelle, de la mise en question, de l'interrogatoire en quelque sorte d'une criminelle. Et dans David Storey, dans la Home, il s'agissait de fous dans un asile psychiatrique. Et là, nous savions exactement où nous étions. Tandis que là, avec la pièce de Peter Handke, nous ne savons plus du tout où nous sommes et nous avons vu toutes les hésitations que nous avons mises pour savoir où nous sommes, si nous étions dans le cinéma, dans un décor, dans un faux décor, etc. Oui, mais là où il y a progression, si vous voulez, c'est qu'il n'est pas nécessaire de le savoir. C'est ça, je crois, la principale chose. Ce sont des propositions d'êtres humains dans un lieu, il se trouve qu'ils sont déguisés, mais on ne sait pas pourquoi. Et ce n'est pas bon de le savoir, ce n'est pas nécessaire de le savoir. Et toutes les phrases, au fond, c'est maintenant en parlant que ça me vient, même si toutes leurs phrases ne sont que des citations, ce sont des gens qui essaie de jouer le jeu de la vie. Tous les jours, on se lève, et souvent, ça m'arrive de dire « Quelle va être ma première phrase de la journée ?» À l'avance, je me dis que je vais répondre à une question, est-ce que je vais en poser une ? Vous n'êtes pas un peu gâché par les personnages que vous jouez le soir au théâtre ? Non, mais je vous assure, une pièce comme celle que nous jouons, tous les jours, me pose des problèmes. Et je recoupe tout le temps les mêmes phrases que nous disons dans la pièce, et elles s'appliquent à toutes les situations de la journée. Bon, vous montez dans un taxi, vous allez forcément être obligé de donner une adresse, de dire quelque chose. Vous voyez, vous êtes contraint à un langage, vous êtes contraint à une explication, à un échange. Ben, je crois que quelque part, le propos de Handke, c'est au fond peut-être le refus de ça. Ben, c'est un problème qui me hante depuis un certain temps. C'est une espèce de terminaison, fin d'un certain langage. Et là, les mots étant employés comme des signes, nous sommes presque obligés de parler pour jouer le jeu de la vie. Mais peut-être que le propos profond de Handke, ce serait de ne rien dire du tout. C'est comme les enfants. Gérard Depardieu. Oui, moi, ça me fait beaucoup penser aussi aux enfants qui jouent dans le parc, par exemple. Dans un parc, les enfants jouent, c'est ça. En fait, ils apprennent, ils imitent les gestes, les mots, ils imitent la vie, enfin, ils imitent la vie d'adulte. Oui, il y a un peu de ça aussi. On a l'impression que nous sommes investis, envahis par des phrases qu'on doit dire, on ne sait pas pourquoi, mais elle nous arrive comme ça. Et c'est ça qui est nouveau chez lui. Et l'évolution de ça, de cette espèce de fin du langage signifiant quelque chose, est vraiment là, je le sens très présent dans le monde. Et comme c'est un peu le théâtre d'aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse de faire. Enfin, Georges-Arthur Goldschmidt. Oui, dans le sens de ce que vient de dire Michel Lonsdale, Il y a une phrase extraordinaire de Handke qui revient tout le temps, pas dans cette pièce, mais ailleurs, « battre quelqu'un jusqu'à ce qu'il dise qu'on ne le bat pas ». C'est-à-dire ? C'est-à-dire le mot surmontant, étant annulé, c'est la fin du langage, n'est-ce pas ? Il a poussé ce système à l'extrême dans une pièce qui s'appelle « Le pupille veut devenir tuteur » où il n'y a pas de langage du tout. Ce qui ne veut pas dire que ce soit une pièce sans langage. C'est une pièce muette, mais pas sans langage. Oui. Parce que les gestes sont évidemment des signes, des codes, les objets, exactement au même titre que les mots. Et je crois qu'effectivement, il a voulu, comme vous le disiez, dénoncer ce langage cliché. Claude Régis, non ? Oui, non, je voulais dire quelque chose qui met en question la clarté que vous évoquiez tout à l'heure. Je vais reparler là des deux œuvres dont vous avez parlé, c'est-à-dire « L'amante anglaise » et « Home ». Vous avez dit « Avec l'amante anglaise, on sait où on est, c'est l'interrogatoire d'une dame criminelle ». À mon avis, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que justement, l'intérêt de cette œuvre, c'est que ça a l'air d'être ça, mais c'est pas là qu'on est. On est dans un lieu mental et dans un lieu abstrait. On est, en effet, à la frontière de la folie. On ne sait pas si cette femme est vraiment folle ou si elle est seulement au bord de la c'est folie. C'est vrai, mais en fait, tout ce qu'elle dit renvoie une signification. Attendez, on sait qu'elle a commis un crime, mais ce crime est en fait l'équivalent d'un suicide. C'est en fait quelqu'un qui essaye de faire sauter la société parce que son malheur est devenu personnel, est devenu intolérable. Et le personnage abstrait de l'interrogateur est une lumière en marche qui fait que tout d'un coup, le mari qui conventionnellement est l'homme normal et l'homme non coupable devient au contraire chargé de culpabilité, alors qu'à mesure que la pièce avance, la femme se déculpabilise et débouche dans une folie rayonnante qui nous apparaît comme une beaucoup plus grande sagesse. Donc en fait, si vous voulez, dans Home c'est la même chose, vous dites dans un hôpital psychiatrique, mais l'intérêt de la pièce de Home était petit à petit, à mesure que la pièce avançait, de nous montrer qu'on n'était pas dans un hôpital psychiatrique, mais dans la société schizophrénique telle qu'elle est actuellement, et que l'hôpital, les murs éclataient, et qu'en fait c'était une description de l'homme de la rue. Ça, c'est le propre de tout. Par conséquent, je dis par là que dans ces pièces soi-disant claires, on n'est pas du tout où on croit être. C'est vrai, c'est vrai. Et que les deux fois, on est complètement dans un univers mental. Oui, c'est le propre de toute grande œuvre de signifier beaucoup de choses et de déboucher sur d'autres significations, bien sûr. Je veux dire par là que l'apparent obscurcissement de la pièce de Hanke n'est pas du tout hétérogène à ce genre de situation. C'est également un univers mental. Et d'ailleurs, j'ai dû constater en me penchant sur mon passé, ce qu'on commence à faire à mon âge, que de plus en plus, et spécialement depuis La Mante anglaise qui a été une très grande découverte, je ne déplace des choses que dans des univers mentaux. C'est pour ça que la représentation ne comporte presque jamais de description réaliste. J'aurais quelque chose, là, une question à vous poser, puisqu'il s'agit d'une émission consacrée à la mise en scène. Est-ce que vous n'êtes pas un metteur en scène un peu formaliste, c'est-à-dire qui a le goût justement des structures, des formes, qui aime jouer avec des gestes, des attitudes et au fond la signification à la limite vous importerait peu. Enfin. Pas du tout. Je crois qu'en effet, la précision des images, pour qu'elles émettent les vibrations qu'elles doivent émettre, cette précision des images est très très très importante et c'est pourquoi je suis fasciné par des auteurs comme Pinter qui lui aussi d'ailleurs décrit le comportement des acteurs, décrit musicalement les silences et les temps et les pauses et écrit aussi avec un langage très calculé et finalement très musical. Mais je crois que toutes ces œuvres ont des significations au contraire très fortes et ce que je viens de vous dire de L'amante anglaise et de Home, c'est ce qui m'importe très fort de faire passer. C'est-à-dire que finalement, tout la description du monde normal, non seulement n'a pas d'intérêt, mais doit être perpétuellement battue en brèche et que le spectateur doit tout le temps être provoqué pour pouvoir faire sa révolution personnelle intérieure. Le théâtre devant agir pour lui comme une sorte de révélateur. Ce que je n'aime pas, comme Peter Hanke, c'est les pièces didactiques, c'est les pièces à message, c'est les pièces de signification politique au premier degré, qui essaye de faire changer les choses en surface. Là, je crois qu'on ne change rien, pas plus que le journalisme ne change quoi que Dites-moi, ce soit. Dites-moi, il y a une référence, nous sommes référés à beaucoup d'auteurs pour pouvoir situer Peter Hanke, mais il y a une référence que nous n'avons pas donnée et qui, moi, m'a frappé. Et là, je me tourne vers Michel Lonsdale, qui vient justement de tourner dans un film d'Alain Robbe-Grillet. Et il m'a semblé que l'univers de Peter Hanke était très proche de celui de Robbe-Grillet et surtout des théories de Robbe-Grillet qui refusent que l'œuvre d'art renvoie à une signification et qu'elle doit rester en surface, que l'œuvre doit être une œuvre de surface. Le travail de Robbe-Grillet est beaucoup plus, je crois, apparemment intellectuel parce que c'est écrit comment dire, dans une langue extrêmement soignée, littéraire. Oui, mais très banale aussi, très qui recherche la banalité. Et qui laissait alors, au contraire, de mettre en balance avec, dans ce film, qui s'appelle « Glissement progressif du plaisir », c'est déjà un titre merveilleux, avec justement un comportement physique extrêmement précis. Oui, oui. Et oui, il y a chez lui le goût des surfaces également. Oui, oui. Oui, c'est pas, je ne les aurais pas tellement rapprochés, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le propos de Hanke est plus, je vous dis, comme quelque chose, comme un collage. C'est comme des phrases qu'on aurait pris comme ça au hasard et qu'on met ensemble. Chez Rob Grier, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est plus structuré. Ouais. D'ailleurs, dans cette mise en scène, Claude Régis, il n'y a pas que Michel Lonsdale et Gérard Depardieu. Il y a bien d'autres comédiens et des comédiens prestigieux. Ces comédiens, est-ce que vous les avez choisis en fonction de leur vedettariat, si je puis dire, ou bien parce que c'était des comédiens qui répondaient à ce que vous vouliez faire? Non, en lisant la pièce, j'ai tout de suite eu l'image de ces comédiens-là, et une espèce de chance a voulu qu'ils aient accepté tous du premier coup sur la lecture du manuscrit. Vous aviez déjà travaillé avec Delphine Seyrig, mais vous n'aviez pas travaillé ni avec Jeanne Moreau, non, ni avec Samuel. Avec Jeanne Moreau, depuis 2-3 ans, je faisais des tentatives, c'est-à-dire que je lui ai proposé plusieurs pièces qu'elle n'a pas acceptées. Et à ma grande surprise, elle a accepté celle-là, et il semble que ça a également beaucoup surpris le public. Et là, je crois que c'est très important de parler de ça. Parce qu'en fait, Jeanne Moreau n'avait pas fait de théâtre depuis 15 ans. Non, pas moi, je crois, 11 ans, je crois. Enfin, entre les deux. Oui. Et on attendait sa rentrée, je ne sais pas pourquoi, on s'imagine que quand il y a un plateau de vedettes, ces gens vont faire des choses agréables et des choses faciles destinées au succès. Le fait que ces acteurs très importants soient tous des acteurs attachés à une certaine difficulté et à essayer de faire progresser le théâtre me paraît très intéressant. D'autre part, il semble qu'on ait jugé, par exemple, Jeanne Moreau, sur la longueur des lignes. C'est-à-dire qu'on s'est étonné qu'elle ait voulu faire sa rentrée avec un rôle qui comporte moins de lignes que celui de Lonsdale ou même moins de lignes que celui de Delphine Seyrig. Alors ça, c'est une notion qui me renverse. Parce qu'il y a 5 personnes enfermées dans un endroit donc abstrait et mental. Ces 5 personnes exercent les uns sur les autres des échanges de flux et de reflux, des échanges d'énergie. Et comme cette pièce se passe aux 3/4 dans le silence et dans des gestes silencieux, le fait de la présence, la manière d'écouter, la manière de ne pas faire d'effet, la manière de ne pas se faire remarquer, c'est justement là qu'on juge les très très très grands acteurs. Vous avez raison. Je trouve que là, Jeanne fait un travail vraiment tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, pendant les répétitions qui ont duré 2 mois et demi, l'ensemble des acteurs ont tous fourni un travail avec une humilité, une discipline et une curiosité et un amour de la pièce absolument fabuleux. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que j'ai quand même répété pas mal de pièces dans ma vie. Il y a toujours des moments où on a des doutes, où on sent des creux dans la pièce, des faiblesses, des moments moins riches. Alors que là, pendant 2 mois et demi, nous n'avons pas cessé de sentir que la pièce nous envoyait des courants de vie, des significations. Qu'elle était d'une richesse absolument sans fond. Et pour toutes ces raisons, j'ai été très surpris de la manière dont les gens ont pris cette distribution, oui, qui était justifiée par le fait aussi que, comme il s'agissait de très grands acteurs du cinéma expressionniste, et j'ai pensé qu'il était important de réunir quelques monstres de ce métier, si vous voulez, dont chacun avait un mythe connu. Je vous interromps une seconde, tout de même, à propos du cas de Jeanne Moreau. Il est évident quand même qu'avec Jeanne Moreau, vous aviez affaire à une actrice, à une comédienne d'un autre type que les autres, en ce sens que Lonsdale, Depardieu ont travaillé avec vous, Delphine Seyrig également, que Delphine Seyrig a joué Pinter, que Samy Frey a joué avec Chéreau, a joué Brecht. Jeanne Moreau était tout à fait étrangère à ce monde-là. Et alors, malgré tout, là je me permets de faire une critique dans une discussion qui ne devrait pas en comporter, mais on sent Jeanne Moreau un peu étrangère ou très différente, malgré tout, du jeu des autres, du style d'acteur des autres comédiens. C'est très étrange, vous voyez, cette impression. Moi, je ne la ressens pas du tout. Il y a une présence très forte. Oui, cela dit, il y a aussi des gens qui ont été frappés par justement sa présence muette. Et il y a un exemple que je voudrais donner. La dernière scène se rapproche énormément dans le style du jeu de la pièce de Beckett dont parlait Michael, c'est-à-dire comédie. Là, ça se rapproche par la dissociation, c'est-à-dire vous disiez dans comédie, il raconte une histoire d'amour tout à fait banale, mais il la raconte sur un ton complètement dissocié, c'est-à-dire vrai, que le ton est vrai. Musical, est presque mécanique, et complètement détaché de l'intériorité et d'un ton qu'on pourrait appeler juste ou d'un ton qu'on pourrait appeler naturel. Et dans cette espèce de partition de la dernière scène, qui comporte des gestes très précis, mais en plus exécutés à cet endroit de la pièce avec un décalage, avec un certain retard, et dans le décalage qui est en même temps apporté dans la diction, dans la distance qui est faite entre l'intériorité et l'émission du texte, je pense que c'est justement Jeanne qui exécute ça le mieux, le plus parfaitement. Et je crois que c'est pas du tout une question de formation. Je crois pas qu'il y a des acteurs modernes et des acteurs anciens. Quand Rimbourg, qui était un comique troupier qui passait dans les cinémas, a été jeté dans Beckett, il y a été superbe. Et Godot a été fantastique parce que c'était joué par un comique troupier et pas par un acteur intellectuel. Oui, mais par une espèce de sophistication, parce qu'il a rejoint tout d'un coup. Mais un acteur, par exemple, de la comédie française, n'aurait, si bon soit-il, aurait probablement très mal joué en attendant Godot. Je ne veux pas parler de la comédie française, j'ai toujours refusé d'y travailler. Je pense que ces acteurs sont en effet incapables de faire ce genre de travail et que même quand un metteur en scène anglais essaye de leur faire jouer Shakespeare dans un vrai ton shakespearien, c'est-à-dire dans un ton truculent et vivant, ils peuvent s'appeler Hirsch, ils n'y arrivent pas du tout. Et ça, c'est une grave remise en question de la comédie française. Est-ce que vous auriez envie de monter Shakespeare ? Non. Vous restez fidèle entièrement au théâtre contemporain ? Oui. Pour vous, il n'y a que cela qui compte. Je ne dis pas qu'il n'y a que cela qui compte, mais je ressens, moi, quand vous disiez que je ne m'attachais qu'à la forme, je crois que là aussi c'est faux, parce que je ressens, dans le temps qui me reste à vivre, un très très grand besoin d'être utile à quelque chose en faisant ce métier. Et je pense qu'il est très important de s'adresser aux gens dans un langage contemporain et en attaquant des sujets qui sont quand même... le phénomène de la vie actuelle. Je sais bien que Shakespeare est éternel et qu'il est peut-être notre contemporain. Il n'empêche que les costumes, que le langage, que des situations même sont extrêmement éloignées de nous. Et quand on disait que Peter Hanke avait fait la synthèse du théâtre des 10 dernières années, je crois qu'il a aussi ressenti avec une sensibilité d'écorchée et presque de malade, il a ressenti ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Le monde s'est transformé, on le voit clairement, plus spécialement cette année que n'importe quelle autre année. Le monde s'est transformé d'une manière énorme, ce qui fait que quand on continue à considérer Beckett ou Ionesco ou comme de l'avant-garde ou Brecht comme étant l'expression à la pointe du théâtre social, je crois qu'on est déjà très très très loin en arrière. Et je crois que ce qui donne le mieux le reflet du délabrement et du déséquilibre et de la mutation de notre époque, c'est d'une part ces auteurs anglais que j'ai beaucoup montés jusqu'à Edward Monde, et maintenant, là, je viens de ressentir ça chez Hanke avec une nouveauté encore plus grande qui me paraît être jeter sur la scène l'espèce de grand déséquilibre dans lequel le monde est entré et où je ne vois plus comment on peut encore se raccrocher au rationalisme. Je ne vois pas au nom de quoi on peut encore essayer de se raccrocher à ce radeau. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, Claude Régis, Michel Lonsdel, Gérard Depardieu et Jean-Jacques Goldschmidt et Marie-Louise Audiberti. Et j'espère que nous avons donné envie à de nombreux spectateurs, et je crois d'ailleurs qu'ils sont déjà nombreux, à voir la chevauchée sur le lac de Constance de Peter Hanke. Avant de terminer, je voudrais vous prévenir que la prochaine émission mise en scène n'aura pas lieu un vendredi, mais qu'il y a un petit changement d'horaire et qu'elle aura lieu maintenant le deuxième dimanche du mois, c'est-à-dire maintenant dimanche 10 février et à 21h, et que nous consacrerons notre prochaine émission à Racine. Thank you. Vous venez d'entendre Claude Régis à propos de la chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke dans l'émission Mise en scène proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 25 janvier 1974 sur France Culture. Avec Claude Régis, Marie-Louise Audiberti, Georges Arthur Goldschmidt, Michael Lonsdal et Gérard Depardieu. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.